La représentation de l'armée populaire de Corée à Panmunjom a publié le 1er août un entretien. En voici le résumé. Les troupiers américains ont déclaré ouvertement dans le plan Jupiter mettre sur pied en Corée du Sud un laboratoire des armes biochimiques étudiant des bactéries virulentes d'une grande mortalité comme les bacilles du charbon et patulinique et suivant le plan, expédier au port de Busan jusqu'en novembre de cette année le personnel et les équipements nécessaires pour mettre en chantier les travaux à partir de l'année prochaine. Cela montre clairement que les impérialistes américains savent faire pour atteindre au plan terrifiant destiné à précipiter la nation coréenne dans les affres de guerre bactériologique. En fait, les impérialistes américains sont les ennemis jurés et assassins qui ont massacré sans discrimination les Coréens depuis l'époque de la dernière guerre de Corée par les machinations de guerre bactériologique et chimique. Après la guerre aussi, ils ont disposé massivement les armes d'extermination massive, notamment les armes biochimiques, en Corée du Sud, pour exterminer la nation coréenne sans aucune communication aux fantoches sud-coréens. Alors que le monde entier s'attache à la paix et à la sécurité, les troupiers américains projettent de construire le laboratoire des armes biochimiques pour se préparer à une guerre bactériologique. On ne peut jamais les tolérer. La bande de Bakune aussi qui poursuit avec l'aimant les machinations américaines de guerre bactériologique, en proie à la servilité, à la dépendance et à la confrontation avec les compatriotes, est la horde des traîtres à la nation à chasser dès que possible. Les démarches des impérialistes américains visant à acculer la nation coréenne dans les catastrophes de guerre bactériologique ne peuvent jamais éviter un châtiment redoutable.